Bonjour à tous les spectateurs et les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. L'équipe Mission Impossible a prévu un petit contenu un peu différent aujourd'hui. Et oui, pour la toute première fois, l'équipe Mission Impossible enregistre dans les locaux où les chroniqueurs se sont rencontrés. Et non, c'est pas au bar, malheureusement, c'est bien à l'Antique. Aujourd'hui, nous ne serons pas que les trois chroniqueurs ainsi que le présentateur. En effet, il y aura avec nous certains professeurs, des étudiants de l'Antique, Thierry, mais et même les mamies de Thomas. Donc, bonjour. Est-ce que vous êtes prêts à nous écouter, les spectateurs? Oui. Merci pour cette réponse, j'ai eu un peu peur. Petit rappel pour ceux qui ne se souviennent pas, ou plus trop, et même les personnes qui ne viennent pas de l'ENSIQ. Mission Impossible, c'est un groupe de 6 élèves, donc 6 étudiants ingénieurs de l'ENSIQ, qui partent enregistrer toutes les 2 semaines des émissions à la radio, tout en parlant de chimie, de physique et même de phénomènes qu'ils aiment, tout en les vulgarisant. Notre mission, c'est expliquer aux auditeurs les phénomènes scientifiques du quotidien et mieux encore, le fonctionnement passionnant de nos industries. Pour cela, nous disposons de 30 minutes à la radio, au cours desquelles nous expliquerons, discuterons et viendrons à votre rencontre pour percer des mystères scientifiques. Petit rappel pour nos auditeurs, notre école, l'ENSIQ, vous la connaissez peut-être, les étudiants, bien sûr, vous la connaissez. Elle est présente sur Nancy, donc depuis 1887, et elle se situe tout près de la pépinière. Son credo, c'est de transmettre les méthodes physiques et chimiques qui permettent de transposer à l'industrie tout ce qui se passe à l'échelle du laboratoire. Rien ne lui échappe, chimie, énergie et même environnement, tous les grands enjeux actuels sont concernés. Aujourd'hui, on sera accompagné non seulement des trois chroniqueurs, donc Axel, Salut à tous. Thomas, Salut tout le monde. Thibault, Salut, salut. et nos deux chefs de salle, Laurie, Oui. David Bonjour. et les spectateurs. Je laisse tout de suite la parole à Thibaut. Attention, il va probablement vous retourner le cerveau en vous parlant de la loi de Benford. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans ce cadre un peu particulier, ça change du studio de la radio. Comme Léa vient de vous le dire, je vais aujourd'hui vous parler de la loi de Benford. J'imagine que pour bon nombre d'entre vous, cette loi ne vous dit rien ou en tout cas pas grand-chose. Donc je me tourne vers vous les chroniqueurs. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que vous savez un peu ce que c'est? Franchement, moi, je ne connaissais pas avant de voir ta chronique. Bah, pareil, hein. C'est-à-dire si je ne lis pas ton texte, je ne connais rien dessus. Ok, ça me rassure. Donc il y a quand même une majorité de non, c'est bien ce qui me semblait. Donc c'est bien, comme ça je vais pouvoir vous apprendre des choses. Donc si vous pensez que le monde qui nous entoure et voilà, la nature qui nous entoure est liée au hasard, ben, vous allez prendre un sacré uppercut dans la tête parce que c'est pas du tout le cas. Donc pour vous l'expliquer simplement et le plus clairement possible, je vais vous faire une petite mise en situation. Imaginez que vous êtes en train de faire vos courses dans le supermarché le plus proche de chez vous. Et il vous passe par la tête l'idée saugrenue de relever le premier chiffre de chaque article que vous avez dans votre panier. Donc par exemple, si vous achetez un paquet de pâtes à 1,50€, le premier chiffre c'est un 1. Si vous achetez un paquet de bonbons à 50 centimes, le premier chiffre c'est un 5. Donc vous faites ce petit processus pour chacun des articles présents dans votre caddie, et à chaque fois vous relevez le premier chiffre du prix. Donc évidemment, il faut que vous ayez un nombre d'articles suffisamment important dans votre caddie. Si vous avez que deux ou trois produits, forcément, ce sera pas l'échantillon ne sera pas significatif. On ne pourra pas en dessiner de tendance scientifique, mathématique. Donc pour éviter ce genre de problème, on suppose que vous avez 100 produits différents dans votre panier. Et si vous avez deux fois le même produit, par exemple, si vous achetez le même paquet de pâtes en double, vous ne relevez le premier chiffre de son prix qu'une seule fois. Vous avez donc 100 chiffres et vous les notez quelque part sur votre téléphone ou sur un bout de papier pour avoir les résultats à portée de main. Donc vous avez 100 premiers chiffres, vous avez 100 articles qui sont dans la catégorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Je reviens vers vous les chroniqueurs. Comment est-ce que vous pensez que la répartition de ces chiffres va s'agencer? Est-ce que vous pensez que ça va être homogène? Est-ce que vous pensez qu'il y aura plus de, je sais pas, plus de 5 que de 4, plus de 6 que de 5? Comment vous pensez que ça va se passer? Ok, je vais répondre. Moi, c'est vrai que quand je fais mes courses, en général, c'est tout le temps des 1 qui reviennent. Si je prends ton exemple, après, voilà, quand on est étudiant, on n'a pas beaucoup de sous non plus. Donc... Et en réalité, aussi surprenant que ça puisse paraître, ce n'est pas le cas. Puisque, par exemple, on a 30% de 1, 5,7% de 7, 4,4% de 9. Donc, je sais que ça peut paraître assez surprenant à croire. Et c'est assez fou parce que la tendance est aussi respectée qu'on parle du chiffre d'affaires des plus grandes multinationales dans le monde, de la longueur des fleuves dans le monde ou encore de la distance séparant 2 étoiles dans notre galaxie. Donc, chose importante que je me permets de préciser, la loi de Benford s'applique uniquement si vous avez un échantillon suffisamment grand, donc vous avez suffisamment de mesures, évidemment, comme je vous l'ai dit sur l'exemple du caddie. Si vous décidez de prendre uniquement 2 ou 3 produits, forcément, vous allez pouvoir me dire, bah oui, ça marche pas, mais forcément, c'est parce qu'il n'y a pas assez de. La série statistique n'est pas suffisamment importante pour pouvoir dessiner le moindre modèle. Et autre chose importante, il est important pour que la loi de Benford se vérifie, en tout cas elle se vérifie encore mieux, elle est encore plus précise, quand vous prenez, des, par exemple, dans le cas des agglomérations, dans le cas des communes françaises, des villes qui appartiennent à différents ordres de grandeur. En gros, comme je vous l'ai dit, il faut qu'il y ait des petites villes, donc quelques dizaines d'habitants, des villes de taille intermédiaire de plusieurs milliers d'habitants, ou des métropoles ou des grandes villes françaises qui font plusieurs centaines de milliers, voire millions d'habitants. Et quand je me suis renseigné pour faire cette chronique, ça m'a paru assez fou. Donc, on pourrait croire que le monde dans lequel on vit est codé, scripté ou programmé à l'avance, mais il est quand même important de se rendre compte qu'elle ne marche pas partout, parce que si vous faites sur la taille des individus, vous allez avoir la mauvaise surprise de voir que le 1 revient assez souvent, parce qu'on fait quand même assez souvent entre 1 et 2 mètres. Et je me permets une nouvelle fois de revenir vers vous, les chroniqueurs. Est-ce que vous pensez maintenant que si on modifie les valeurs de votre série, est-ce que vous pensez que la loi est toujours vérifiée? Perso, je pense pas. Moi, je pense que si. Vous pensez du coup que même si on modifie les... Enfin, comme Axel a dit du coup, que même si on modifie les valeurs, la loi de Benford sera toujours respectée. Et justement, c'est pas le cas parce que c'est lié au biais d'équiprobabilité. C'est-à-dire qu'inconsciemment, notre cerveau va vouloir homogénéiser les valeurs, alors que justement, comme on a vu, il y a plus de 1 que de 2 que de 3, alors que si vous le faites vous-même, vous allez vous dire « Ah là, j'ai mis un 1 », et inconsciemment, votre cerveau va vouloir mettre autre chose qu'un 1. Et donc, on est capable de détecter un ensemble de chiffres falsifiés, modifiés, et qui donc a pu sauter sur cette opportunité? Et oui, les contrôleurs fiscaux. C'est pour ça que cette loi est utilisée pour détecter tout ce qui est fraude fiscale, donc tout ce qui est mauvaise déclaration d'impôts et ainsi de suite, parce qu'en fait, si les chiffres déclarés ne respectent pas la loi ou qu'ils en sont trop éloignés, ça veut probablement dire qu'en fait ils sont falsifiés, modifiés ou qu'en tout cas ils ne correspondent pas à la réalité. Donc je vous dis probablement parce que ce n'est pas sûr à 100%, même si vos chiffres sont un petit peu éloignés de la loi de Benford, ça ne veut pas forcément dire que vous fraudez, que vous falsifiez vos chiffres. En fait, ce qui se passe, c'est que le contrôleur fiscal, il vérifie les pourcentages, il vérifie que c'est pas trop loin de la loi de Benford, et s'il s'avère que vous êtes un petit peu loin, un test probabiliste est mené, et à partir de là, en fait, si les valeurs qui devraient être pour respecter la loi de Benford et celles que vous avez rentrées sont trop éloignées, alors dans ce cas-là, la fraude est avérée. Mais si l'écart est relativement modéré, dans ce cas-là, ça va. Ça veut dire que c'est simplement de la malchance et on peut rien vous reprocher. Et pour conclure cette chronique, quelque chose d'assez incroyable, c'est que d'après les premières recherches scientifiques dans le monde, la loi fonctionnerait également sur des phénomènes naturels. Donc tout ce qui est éruptions volcaniques, les tremblements de terre, là, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Si une loi mathématique permet de prévoir des choses aussi spontanées, aussi imprévisibles, aussi, voilà, enfin, aussi naturelles que des éruptions volcaniques, et ce serait quand même quelque chose d'assez incroyable qu'on puisse arriver à prévoir ce genre d'événement climatique, et ça permettrait en tout cas de réduire, voire même de diminuer considérablement les conséquences matérielles et humaines, ce qui pourrait être vraiment une grande avancée quand on connaît les dégâts liés à ce genre de phénomène dans le monde. Merci Thibaut. En attendant, faisons une petite pause musicale afin de récolter toutes vos questions, et ensuite Thibaut répondra. Like the legend of the phoenix, with beginnings, what keeps the planet spinning? The force from the beginning. She's up all night. night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. Radio Fadjet avec l'équipe Mission Impossible. Si vous avez raté un petit bout de l'émission, enfin les spectateurs, vous êtes obligés de rester avec nous. Thibaut nous a parlé de la loi de Benford, donc maintenant il va répondre à vos questions, enfin si vous en avez. Bonjour à tous, je voulais savoir quand est-ce qu'avait été trouvée la loi de Benford. Alors, elle a été découverte par hasard en 1881 par un mathématicien qui s'appelle Simon Newcomb. En fait, il était en train de, enfin, chose banale à l'époque, je pense, il était en train de regarder les tables de logarithmes et il s'est rendu compte que chaque page était, la première page était plus usée que la deuxième, qui était plus usée que la troisième, et il s'est dit, ah, bizarre. Et comme c'était un crack des mathématiques, il a réussi à démontrer la formule qui permet d'associer la probabilité à ça, à ce phénomène. Sauf que malheureusement pour lui, ses travaux n'ont pas été entendus, ça n'a pas fait suffisamment de bruit, donc c'est un peu tombé dans l'oubli. Et il a fallu attendre 57 ans pour que Frank Benford, du coup, celui qui a donné son nom à la loi, redécouvre et redémontre la formule mathématique. Donc je ne sais pas s'il avait écho des travaux de Newcomb 57 ans plus tôt, mais quoi qu'il en soit, c'est lui qui a démocratisé et popularisé la loi. Et du coup, la loi, aujourd'hui, elle porte son nom. Bon, ben merci Thibaut pour cette chronique. J'espère que vous ne serez pas trop matrixé quand vous ferez vos courses. En tout cas, ben, nous, on aimerait bien que la loi de Benford elle s'applique sur le prix de nos bières. À présent, Axel, ben, il va se prendre un peu pour Mesmer en vous parlant de la supraconductivité. Et pour tous nos spectateurs présents, vous allez pouvoir voir ce phénomène en direct puisqu'Axel va nous faire une petite expérience. Et surtout pour les personnes, donc nos auditeurs, ne vous inquiétez pas, la vidéo donc de l'expérience, elle sera rediffusée sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube et Instagram. Alors, bonjour à tous. Pour ceux qui n'ont pas écouté la chronique de la semaine dernière, je ne sais pas. Mais j'ai parlé de l'effet Joule. L'effet Joule, je vais vous faire un petit rappel de ce que c'est. Je sais que ceux d'entre vous qui ont une petite idée de ce que c'est, mais c'est surtout pour nos auditeurs. Donc en fait, l'effet Joule, tout simplement, c'est quand on fait passer un courant électrique dans un circuit, on a ce qu'on appelle une dissipation thermique. C'est-à-dire que quand on envoie un courant d'un point A à un point B, on a une perte d'énergie. Et cette perte d'énergie, elle se manifeste par une émanation chaleureuse. Donc en fait, on a certains matériaux qui permettent l'effet Joule, genre de cuivre. Et c'est pour ça que dans nos installations électriques, on retrouve surtout du cuivre pour alimenter nos maisons, nos petites prises, nos chargeurs, etc. Donc l'effet Joule, c'est à la fois des avantages, mais aussi des inconvénients. C'est-à-dire que pour les radiateurs, c'est l'effet Joule qui nous permet de chauffer en fait. On fait passer l'électricité dans ce qu'on appelle une résistance, qui maximise l'effet Joule et qui permet de chauffer les pièces dans lesquelles on se situe. Mais en même temps, ça a un des inconvénients, puisque sur certains systèmes, donc par exemple les IRM, je pense aussi à tout ce qui est résonance magnétique. Donc, en fait, c'est des courants qui sont très très forts, qui sont envoyés dans ces circuits-là, et on a des problèmes, c'est-à-dire que potentiellement on pourrait avoir une surchauffe avec des circuits qui fondent et des courts-circuits. C'est pour ça que chercheurs. Depuis les années 1900, en fait, on a mis en France ce qu'on appelle des supraconducteurs. C'est des matériaux qui sont un peu particuliers, c'est-à-dire que c'est des matériaux qui, quand on les amène à une certaine température, une température qui est très très basse, c'est de l'ordre de moins 200, moins 250 degrés, ont des propriétés qui sont totalement différentes des matériaux qu'on trouve aujourd'hui. Donc ici avec moi, en fait j'ai une petite pastille, c'est une petite pastille de céramique. On pourrait penser que c'est la céramique normale, mais pas du tout pastille, que moi je suis allé récupérer à l'Institut Jean Labour, de façon assez gentille, mais cette pastille-là en fait elle coûte 100 euros. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je trouve ça compliqué, si vous voulez, d'utiliser ça pour un usage personnel ou alors pour les installations dans nos maisons. Et en fait, cette pastille-là, l'avantage, c'est que je vais avoir besoin de refroidir qu'à moins 180 degrés pour retrouver les propriétés des supraconducteurs. On a un matériau qui transmet presque parfaitement l'électricité. Donc en fait, on a une réactivité qui est quasi nulle. Et une autre propriété en fait de ces supraconducteurs, c'est que quand on approche un aimant sur ces supraconducteurs et qu'on les a refroidis en amont, en fait, on a une réaction qui se fait et on parle de limitation magnétique. Donc en fait, c'est l'effet Meissner. Et du coup, c'est ce que je vais vous représenter aujourd'hui. Donc là, ce que j'ai avec moi, en fait, c'est des tout petits aimants. En fait, quand j'amène les aimants tout de suite sur la pièce, en fait, on voit qu'il n'y a aucune réaction. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune propriété, pas du tout un champ magnétique qui est créé. Par contre, là, je vais mettre ma petite pièce dans un cristallisant. Alors du coup, avec moi, j'ai de l'azote liquide. Donc l'azote liquide, voilà. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée un petit peu de la température d'ébullition de l'azote liquide. Là, je fais mal, mais j'avais juste avant. Alors du coup, l'azote liquide, là, la température d'ébullition à pression atmosphérique, c'est à peu près moins 160 degrés. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais renverser mon azote sur ma pastille. Et en fait, ce que vous allez voir, je vais vous spoiler un petit peu, voilà. La pièce, elle n'est pas attirée par la pastille de céramique. C'est-à-dire qu'en fait, elle repousse dessus. Elle est à la fois attirée et repoussée. Vous allez me dire, oui, mais les aimants, ça s'attire et ça se repousse aussi. Mais ce qui est différent, c'est que les aimants, c'est en fonction du pôle vers lequel on les oriente. C'est-à-dire que si on met deux pôles nord ensemble, ça se repousse. Si on met deux pôles sud, ça se repousse. Et là, en fait, la position de la pastille, en fait, ça se repousse et ça s'attire en même temps. En fait, c'est vraiment de la limitation. Et là, il est posé dessus directement. C'est-à-dire qu'en fait, quand je sors la pastille de céramique de l'azote liquide, ça se réchauffe très très vite, puisque j'imagine qu'ici, il fait un peu plus de 20 degrés. Et en fait, les propriétés du supraconducteur disparaissent totalement. Mais si vous voulez, quand on recommence vraiment à des températures critiques, que toutes ces propriétés, elles sont valables. Donc aujourd'hui, pour l'application qu'on pourrait avoir de ces supraconducteurs, moi, je pensais notamment transfert d'électricité ou d'une centrale jusqu'aux habitations. Ce qu'on n'a pas envie, du moins ce que les industriels ont ambitionné, c'est que l'électricité se dissipe par le réseau. Ça aurait été une application qui nous permettrait d'envoyer de l'électricité un peu partout dans le monde avec une perte thermique, enfin une perte énergétique qui est pratiquement nulle. Et ça, c'est une propriété qui est vraiment cool sur le conducteur. C'est difficile à mettre en place parce que vous voyez très bien que déjà il faut des fil. En fait, les liquides, ça coûte assez cher à être mis en place. Et les supraconducteurs, on peut espérer quand même que dans les prochaines années, on arrive à trouver des matériaux, du moins des alliages, qui nous permettent d'avoir ces propriétés-là à des températures un peu plus élevées. Et j'ai vu déjà cette semaine qu'il y a certains matériaux qui ont été mis en place et qui permettent d'avoir ces propriétés-là à partir de moins 80 degrés. Alors, la question qu'on m'a posée pour les auditeurs qui ne sont pas tout entendre, on me demandait en fait si on avait la possibilité, avec des échelles bien plus grandes, de faire la limitation magnétique. Alors, les expériences qui sont faites aujourd'hui, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé l'aimant sur la plaque supraconducteur. Tout simple, c'est de faire l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on met un aimant qui ne coûte pas trop cher, et on met une toute petite plaque supraconductrice, et on fait glisser, si vous voulez, la plaque directement dessus. En fait, ça se ressemble un petit peu, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais les trains à suspension. C'est notamment au Japon, en fait, c'est avec le magnétisme, et en fait, il y a tous les protons qui sont liés au roulement qui sont n'existent plus. Donc, oui, ce serait possible, mais du coup, ce serait l'inverse de l'expérience que j'ai. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, je vais demander, est-ce que l'expérience peut fonctionner avec du semi-conducteur? Alors, semi-conducteur, j'imagine que, en fait, tous les métaux, à ma connaissance, tous les métaux peuvent devenir des supraconducteurs. Mais il faudra arriver à des températures extrêmement faibles. Quand je dis extrêmement faible, c'est par exemple l'hélium liquide, qui en fait c'est à peu près à 4 Kelvin. C'est 4 degrés au-dessus du zéro absolu. Et tous les matériaux peuvent devenir des superconducteurs, mais des conditions vraiment très spécifiques, et c'est pas du tout avantageux. Donc, c'est pour ça qu'on a vu les chercheurs essayer des alliages, des matériaux, ce qui nous permet de nous rapprocher de la température plus facilement, afin de peut-être pas le faire à l'échelle industrielle, mais tout le monde d'avoir des propriétés sur les petits laboratoires. Merci Axel pour cette chronique. Sincèrement, je pense que beaucoup de spectateurs ont vraiment aimé l'expérience. En attendant, faisons une petite pause afin de préparer la nouvelle expérience de Thomas. Vous êtes de retour sur Radio Fadjet avec l'équipe de Mission Impossible. Si vous avez raté un petit bout de l'émission, donc Thibaut nous a parlé de la loi de Benford, Axel nous a parlé des supraconducteurs. Pas d'inquiétude si vous avez raté un bout de l'émission, donc toujours ça sera disponible sur Fadjet, YouTube, Instagram et même Facebook. Et l'expérience d'Axel sera diffusée aussi sur YouTube et sur nos réseaux sociaux. À présent, Axel, il va juste rectifier un petit point avec vous, donc par rapport à sa chronique. Et puis, Thomas, il nous parlera de l'opacité du pastis. Parce que je me suis un peu mélangé dans les sons. Pour la température de l'azote, c'est moins 160 degrés pour la température d'ébullition, à peu près. Hein. Je crois que c'est moins 162, justement. Et 1 Kelvin, enfin 0 Kelvin, c'est la température de zéro absolue. L'équivalent, c'est que 0 degré, ça fait 273,15 Kelvin. Merci Axel pour cette rectification. Maintenant, Thomas, et moi perso, j'entends souvent les cigales chanter. Bientôt, en plus, à Marseille avec Apolline et d'autres copines. Et j'imagine aussi des parties de pétanque cet été. Donc, je te laisse continuer avec une partie qui passe 10. Au vu de l'heure, c'est quand même l'heure de l'apéro. Parlons un peu dessus, parce que moi, je suis un gars de Lorraine. Et je me suis dit, qui dit apéro, dit surtout l'ensic, alcool, et on est un super club de rôle. Je me suis dit, parlons pastis. On aurait pu parler bière aussi, mais je me suis dit, tiens, pastis, ça change un peu. Alors, le pastis, on l'aime ou on l'aime pas, c'est pas la question. Mais grosso modo, dans le pastis, on a de l'éthanol, donc de l'alcool, de l'eau, proportion variable, et ce qu'on appelle de l'anéthol, c'est ce qui donne le bon goût au pastis, le petit côté anis. Au passage, s'il n'y avait pas d'anéthol, ça serait juste de l'eau, de l'alcool, et ce qu'on parle de ça, de la vodka. Et du coup, tout le monde le sait, le pastis, bon, ça a été couvert un peu brunâtre, un peu jaunâtre, mais c'est quand même transparent. De même que donc la méthode donc qui compose le pastis, c'est un mélange d'huile essentielle. Donc pour faire ça, le pastis, on a de l'eau, de l'alcool et un petit peu d'huile, mais vraiment très peu, on est sur l'ordre de 1%, même pas. Et le problème, tout le monde le sait, le pastis, quand mélangé avec de l'eau, le pastis... Qu'est-ce que je suis arrêté avant le bord, c'est bon. Donc le pastis, quand mélangé avec de l'eau, bah ça se trouve. C'est quand même assez contre-intuitif de savoir que deux choses transparents font un truc... super opaque, non. Eh bien, je vais vous parler de miscibilité. Alors, la miscibilité, c'est fait quand deux liquides se mélangent bien entre eux ou pas. Par exemple, on sait tous, le sirop et l'eau, ça se mélange bien, c'est pour ça que ça se mélange parfaitement. De même que l'eau et la vitrole, ça se mélange aussi bien, c'est en un seul morceau et on n'a pas deux phases séparées. Et le problème, tout le monde le sait, l'huile se mélange, mais pas tous les jours. Et le problème, en fait, de notre anéthol, c'est l'essentiel, quand elle est dans le pastis, c'est-à-dire de l'eau et de l'alcool, elle est plutôt bien mélangée, donc on a quelque chose de transparent. Mais le fait de rajouter de l'eau, on contrebalance directement l'équilibre entre l'eau et l'alcool, et à ce moment-là, en fait, l'anéthol va former des petites gouttelettes dans notre mélange, et du coup, il ne va plus être aussi bien miscible avec l'eau, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on a ce léger trouble dans l'eau, et ce mélange-là, on appelle ça une émulsion. Et du coup, au niveau des émulsions, on a deux types d'émulsions, ce qu'on appelle les émulsions directes, comme ce qu'on a ici, on a un peu de l'huile qu'on a mélangé, des gouttelettes d'huile qui sont mélangées dans de l'eau, et des émulsions inverses, on a des gouttelettes d'eau et dans de l'huile. Dans les deux cas, on peut obtenir des choses comme assez similaires et stables suivant comment on les mélange. Et pour en revenir à l'aspect trouble, je vais vous parler un peu d'optique, et je ne parle pas de l'optique de jeunesse. Non, j'étais pas sur celle-là, je voulais parler de l'herbe. Et je vais vous parler de ce qu'on appelle la diffusion de lumière, MIE. Et on avait vu dans d'autres chroniques que la lumière, notamment grâce à la lumière, que la lumière est une onde. Et on a vu que du coup, tout ce qui est lumière visible, les longueurs d'onde sont entre 400 et 800 nanomètres. Et en fait, ce qui se passe, donc la diffusion de lumière, c'est lorsque la lumière, donc, va percuter une particule qui est à peu près du même ordre de grandeur. En fait, le groupe de la méthode sont à peu près de l'ordre de 1 micromètre, c'est-à-dire autour de 1000, quasiment la longueur en fait, de la lumière. Et à ce moment-là, en fait, la lumière, quand elle va percuter les groupes, ça va être diffusée, c'est-à-dire envoyée dans toutes les directions de la lumière. Et la lumière de base, c'est de blanc. Là, étant donné que le Ricard, le pastis, du coup, est un peu jaunâtre, on a quand même cet aspect trouble un peu jaune. Et du coup, c'est tout ce trouver le pastis, mais j'ai une petite question pour vous. C'est facile à troubler, mais est-ce que vous savez comment on peut détroubler? Ah, je vois que c'est quand même assez partagé. On a un peu de tout. Du coup, j'ai quand même une majorité pour le liquide vaisselle. Alors, du coup, on pourrait mixer autant qu'on voudrait, c'est-à-dire rien de plus, rien de moins. Le sel n'a aucun effet de goût. Et ajouter du citron, mis à part donner un meilleur goût, ça n'aurait pas un grand effet. Par contre, nous avons du liquide vaisselle. Et là, j'ai mon défi qui compte du club jaune et vouloir voir ça après. On arrive à récupérer notre pastis. C'est vraiment contrairement à Axel, moi je sais réussir des expériences. Et du coup, pourquoi ça marche? Eh bien, le liquide vaisselle, il va ce qu'on appelle réduire la tension entre notre huile, donc la méthode, et l'eau. Si vous vous souvenez bien, tout ce qui est tension de surface, on a beaucoup parlé notamment avec tout ce qui était les lessives Et donc il agit comme un tension actif entre le flux et le mélange de notre eau. En fait, il va pouvoir à nouveau se disperser facilement. Et c'est pour ça qu'on retrouve à nouveau cette belle couleur revenue. Bon, le petit souci, c'est que notre pastis est devenu un lieu. Après, ça reste grave, toujours un truc toujours sympa à faire, un petit tour de magie, un copain, un magicien. Après, il faut vite partir si on a des gens comme je suis susceptible. C'est pas dangereux. Et pour finir, je voulais vous parler d'un truc révolutionnaire avec ça. Mais pourtant, ça a un vrai intérêt dans la recherche. Et j'ai demandé conseil à un grand spécialiste. Je ne sais pas si vous connaissez, il s'appelle Alain Durand, l'auditeur qui nous écoute, bah, c'est notre directeur d'école. Et il nous a longuement parlé de qu'est-ce qu'on peut faire avec le pastis dans la recherche. En fait, ça ne sert pas à faire picoler les scientifiques et voir ce qu'ils peuvent faire. Parfait. Mais on réunit ce qu'on appelle des micro-émulsions. C'est-à-dire, en fait, les gouttelettes sont de très petite taille. Et dans la réalité, en industrie, c'est très compliqué de réaliser cela sans la moindre énergie. En industrie, ça demande énormément d'énergie. Si ça demande de l'énergie, ça coûte cher. Et donc, bah, certains chercheurs se sont penchés pour trouver un système équivalent pour obtenir en fait des solutions de tout n'importe quoi. Notamment, ça marche beaucoup avec des polymères. Les polymères, on a surtout travaillé dessus sur du polystyrène, faire en fait des solutions type d'un micromètre de diamètre qui seraient mélangées dans une solution d'eau. Et on s'en est servi notamment pour faire de l'encapsulage de l'hydrate. Donc on arrive en fait à mettre le polymère actif dans le mélange de tout le reste, sans demander à moins d'effort. Il y a quand même un gros avantage là-dessus, c'est que ça ne demande pas d'effort, ça coûte pas cher. Le souci, c'est que ça marche uniquement pour les choses qui sont très diluées. Et donc, cet aspect-là, on vient de dire. On aurait pu l'appeler l'effet pastis, mais non, malheureusement, les grecs ont gagné, on l'a appelé l'effet ozone. Donc, pour les solutions qui ont été testées, on a fait ça avec de l'eau. Et voilà pour ce qui est de l'aspect recherche. Bon, j'espère que pour l'utilisation du pastis, maintenant, vous êtes au point. Et le pain, on y va doucement avec quelques jours. Merci Thomas pour cette chronique. Pour ceux qui auraient raté un petit bout de l'émission, donc on a entendu Thibaut nous parler de la loi de Benford, Axel de la supraconductivité avec une petite expérience qui sera rediffusée sur nos réseaux sociaux, et Thomas, pareil, avec l'opacité du pastis, qui sera elle aussi rediffusée sur nos réseaux sociaux. L'équipe Mission C'est Impossible, elle vous remercie vraiment à tous les spectateurs d'être venus, aux auditeurs donc pour la prochaine fois de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 2 semaines pour notre prochaine émission, et surtout, si vous avez vraiment aimé, on a toujours les podcasts sur YouTube, Instagram, Facebook, et surtout n'oubliez pas de nous suivre, comme ça vous avez toutes les informations. Merci beaucoup et bon apéro. Merci tout le monde.